last time. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in Senator. Pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Do you know the way to San Jose? Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold. J'espère que vous allez bien. Solid Gold chaque semaine sur votre radio. C'est votre émission de variété anglo-saxonne que vous pouvez aussi retrouver sur internet sur solidgold.mypodcast.com. Et nous avons bien sûr un album fil rouge comme chaque semaine. Et cette semaine, eh bien, c'est une artiste hollandaise, figurez-vous, qui s'appelle Treintje. Et très exactement, Treintje Oosterhuis, de son vrai nom. Elle a publié quelques albums sous son vrai nom. Et pour faire une carrière internationale, il valait mieux qu'elle prenne un pseudonyme. C'est fait, elle s'appelle, je suppose que c'est son petit nom de quand elle était petite fille, Treintje, qui sort donc un album qui s'appelle The Look of Love Burt Bacharach Songbook, où elle reprend des chansons du maître de la variété, Burt Bacharach. On vient de l'entendre avec Do You Know the Way to San Jose. On va la retrouver tout de suite avec The Look of Love, une chanson qu'avait écrite Burt Bacharach et Al David pour le film Casino Royale en 1968. Treintje est l'invité de ce Solid Gold numéro 280. C'est parti. The look of love is saying so much more than words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, the look of love

is still a chair. Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. Elle s'appelle Traincha, elle est hollandaise et elle vient de sortir un album qui s'appelle The Look of Love, de Burt Bacharach Songbook. On vient d'entendre un extrait de cet album, une reprise d'une chanson qui s'appelle A House is Not a Home. Et juste avant, on avait le groupe 4Play avec Cape Town. Burt Bacharach a été le chef d'orchestre et arrangeur de Marlène Dietrich dans les années 50. Il a composé beaucoup de chansons par la suite, notamment pour sa muse, qui était bien sûr Dionne Warwick, mais aussi pour beaucoup d'autres artistes comme B.J. Thomas, par exemple. Ils ont été beaucoup de chanteurs et de chanteuses à lui rendre hommage à travers le monde, et notamment Traincha, cette chanteuse hollandaise que nous écoutons ce soir dans Solid Gold. On va la retrouver tout de suite, reprenant un des tubes de Dionne Warwick qui avait été aussi repris et qui en avait fait un tube aussi par Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, et ensuite ce sera Roy Orbison avec Falling. Wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you while combing my hair now and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you forever and ever. of us fear. While writing, I think of us dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. To be for Chaque semaine dans Solid Gold, c'est le mélange des genres et quelquefois aussi le choc des générations. À l'instant, c'était une nouveauté, Vivi Brown avec Shark in the Water et juste avant, Roy Orbison et Falling. On va retrouver tout de suite Traincha, chanteuse hollandaise qui est notre artiste fil rouge ce soir et qui reprend donc des chansons de Burt Bacharach dans The Burt Bacharach Songbook, son dernier album. La chanson qu'on va entendre maintenant s'appelle Waiting for Charlie to Come Home. Et puis je vous parlais tout à l'heure de B.J. Thomas, un chanteur pour qui Burt Bacharach a composé. On le retrouve avec She's Rolling Over and Over. Instead of holding him close to me, I drove him far away. Yeah. Here am I, the fool who let happiness walk out the door. Charlie to come home, bring me all the love I need. Waiting for Charlie to come home, bring me his lips, his wild hungry arms, and all of the love I need. I said a lot of things to him I didn't mean to say, yeah. Instead of holding him close to me, I drove him far away, yeah. Here I am, the fool who let happiness walk. setting my sights too high, spending too much time daydreaming. Should have seen her slowly leaving before my eyes, before my very eyes. Man of the Year Award. Spending too much time wheeler-dealing. Should have seen him slowly stealing you from my side before my very eyes. She's rolling over and over in someone else's clover, and she's happy, I hear. Now that it's over, all over, it's hard to see a prophet through a tear. It's been one hell of a year. Living it up too fast, spending too much time daydreaming. Should have seen him slowly stealing you from my side before my very eyes. A heart that shattered all. Never never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all. At least until tomorrow, I'll never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? Don't you know that I'll never fall in love again? Cette chanson a été le dernier gros tube enregistré par Dionne Warwick dans les années de sa première période chez Scepter Records, I'll Never Fall in Love Again. C'est une chanson que Burt Bacharach et Al David avaient écrite pour la comédie musicale Promises. Promises, on vient de l'entendre reprise par Trencha sur son album Burt Bacharach, The Look of Love. On va la retrouver tout de suite avec une autre chanson écrite par Burt Bacharach qui s'appelle Falling Out of Love dans Solid Gold. Et puis ensuite, on aura le groupe Wavelength avec Hurry Home. It's in the way you say my name, though I hear your voice, it's not the same. And in your eyes, I can't help but see a much different light than there used to be. You say hello, and I wanna die. Cause deep down I know that it means goodbye. I can't let go. I just keep hanging on, though you're standing there. You're as good as gone. Though you're standing there, you're good as gone. Are you falling? Thank you. just how much you mean to me. Hurry home, I know you've got things to do, and I don't want to trouble you, but I just can't stand the loneliness. Hurry home. Oh, Dion Warwick dans Solid Gold, période post-Bacharach. C'était dans les années 70 avec Comeback, un des gros succès, le deuxième plus gros succès de Dion Warwick dans les années 60 après Don't Make Me Over, c'était Walk On By. Bien sûr, méga tube écrit par Burt Bacharach et Al David. Trencha le reprend sur son album The Look of Love, The Burt Bacharach Songbook. On va l'écouter tout de suite. Et puis ensuite, l'inénarrable, l'inépuisable romantique Barry Manilow dans Solid Gold avec Fools Get Lucky. Each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry, walk on. But fools get lucky. like yours should save the fools like me. When I see the good times shine on this wayward life of mine, I tell the world it's all because of you. And fools get lucky. I'm missing you. Tell me why the but were never told. You had so much hope for a brighter day. Why were you my flower? L'une des grandes prêtresses de la soul music dans Solid Gold, Diana Ross avec Missing You, et juste avant c'était Barry Manilow et Fools Get Lucky. On va retrouver tout de suite Trencha dans Solid Gold. Trencha, de son vrai nom Trinje Oosterhuis, chanteuse hollandaise, donc fille d'un pasteur qui a publié plusieurs albums sous son vrai nom, et puis quelqu'un a dû lui dire que pour faire une carrière internationale il valait mieux prendre un pseudonyme, et elle a bien fait. Elle s'appelle donc Trencha, ça s'écrit T-R-A-I-N-C-H-A, et dans son dernier album The Look of Love, The Burt Bacharach Songbook, elle reprend toutes les plus belles chansons de Burt Bacharach, enfin pas toutes parce qu'il y en a beaucoup quand même. On va la retrouver tout de suite avec une reprise de Alfie, une des innombrables chansons que Burt Bacharach et Al David avaient écrit pour le cinéma. Là, c'était pour le film Alfie avec Michael Caine. Et puis ensuite, nous entendrons un son plus folk avec Jack Johnson et Better Together. Just exist, Alfie. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do. But places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Thank you. C'est un très bel album qui est notre album fil rouge ce soir. Un album récent puisqu'il est sorti en 2009. C'est l'album de la chanteuse Trencha. L'album The Look of Love, The Burt Bacharach Songbook, dont on vient d'entendre un extrait, Anyone Who Had a Heart. Burt Bacharach a beaucoup écrit donc dans les années 60 avec Hal David, son compère, pour qui ils ont composé tous les tubes de Dionne Warwick notamment. Et dans les années 90... Eh bien, il a rencontré un certain Elvis Costello, avec qui il a enregistré un album. Et puis, eh bien, dans cet album, il y avait cette chanson « This House is Empty Now » que reprend Trencha sur son album. Et on va l'écouter tout de suite. Et puis, on ira dans les années 70, après, avec le groupe Toto et Georgie Porgy. In the wind. something I can do to make you want to stay. So tell me how am I supposed to live without you? These walls were lined with pictures. Remember the glass we charged in celebration. But now I fill my life up with all that I can to deaden this sensation. Do you recognize the face fixed in that fine silver frame? Were you really so unhappy there? You never said, so this house is empty now. There's nothing I can do to make you want to stay. So tell me how am I supposed to live without you? It's really not confusing, I'm just a young illusion. But you gotta be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Well, too close for comfort. Please, not again. Too close to know just when to say when before. Dans un album où elle lui rendait hommage, Patty Austin reprenait Too Close for Comfort d'Ella Fitzgerald. Et juste avant, on avait le groupe Toto et Georgie Porgy. Ce soir, dans Solid Gold, c'est la chanteuse Trincha qui nous accompagne. Chanteuse hollandaise de son vrai nom Trinje Oosterhuis et qui reprend dans cet album des chansons écrites par Bob Bacharach et beaucoup d'ailleurs écrites pour le texte par Hal David. On va la retrouver tout de suite avec They Long To Be Close To You et puis ensuite on aura Danny Williams. Le nom de Danny Williams ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes fan de séries télé, eh bien, vous aurez peut-être reconnu l'acolyte de Steve McGarrett, alias Jack Lord, dans Hawaii Police d'État. Et oui, c'était lui, le Danny de Hawaii Police d'État, qui était aussi chanteur à l'époque avec White on White. Follow you all around. us got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, of gold and starlight in your eyes, of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. In her wedding gown, looking like a queen. She has been my only love since she was 13. I've been dreaming of this day and how proud I'd be when she came walking down the aisle and held out her hand. Velvet ribbons on her bouquet, white on white, lace on satin, my little angel is getting married today. I'll be waiting to kiss the bride when her name is new, standing oh so close to her, silently saying I do. I'll be holding back my tears till she's gone away, 'cause she'll belong to someone else when the organ starts to play. White on white, lace on satin, blue velvet ribbons on her bouquet. White on charms. It's a game I just can't carry through. When I'm alone, then the teardrops start. I realize it's true. I'm all dressed up with a broken heart and still thank you. I'm alone, then the teardrops start. I realize it's true. I'm all dressed up with a broken heart and still in love. I'm still in love. I'm still in love with you. Peggy Lee dans Solid Gold avec All Dressed Up with a Broken Heart, et puis juste avant Danny Williams, comédien mais aussi chanteur dans les années 60 avec White on White. On va retrouver tout de suite Trincha avec son album The Look of Love, The Burt Bacharach Songbook, et une reprise de The Windows of the World, et puis ensuite on aura le groupe Seals and Crofts avec Get Closer. Are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows. When little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through. How long must they cry? let the sun shine through. Me too. Le swing de Timmy Euro et Let Me Call You Sweetheart, et juste avant le romantisme de Seals and Crofts avec la ballade Get Closer. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur solidgold.mypodcast.com. Nous aurons un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir l'album de la chanteuse Trencha, The Look of Love, The Burt Bacharach Songbook. On va se quitter avec un dernier extrait de cet album, une chanson écrite par Burt Bacharach avec, avec son épouse de l'époque, Carol Bayer Sager. La chanson s'appelle That's What Friends Are For. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Salut. Never thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling,